Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du rallye Paris-Dakar, l'une des épreuves sportives les plus célèbres des temps modernes, et pas seulement pour ses performances sportives. Magie d'un rallye pionnier, courage, résistance, abnégation des concurrents, rencontre de deux mondes, l'Europe et l'Afrique. Événement à la fois sportif, people, culturel, voire humanitaire, parfois, il a été le cadre d'histoires extraordinaires, d'une sorte d'aventure avec un grand A, c'est sa part de lumière. Le Paris-Dakar, c'est aussi 500 connards sur la ligne de départ, 500 blaireaux sur leur moto. Combien d'années encore, ces crétins bariolés feront leur terrain de sport d'un continent entier? Chantait Renaud, dont je cite les paroles mot pour mot, bien sûr. Ce que l'artiste exprimait dans cette chanson choque avec la liberté de son regard, c'est la part d'ombre du Dakar. C'est la disparition du chanteur Daniel Balavoine, si talentueux, si généreux. C'est la mort de Thierry Sabine, l'âme du Dakar, dans le même accident d'hélicoptère. Ce sont des pilotes qui se tuent, ou des pilotes qui parfois tuent par accident, bien sûr. Eux qui passent si vite sur les pistes qu'ils percutent des spectateurs ou des habitants des régions traversées quand ils ne sont pas eux-mêmes menacés par des forces politiques ou combattantes qui sévissent ici et là sur le continent africain. Une situation qui a fini par détourner la caravane sur un autre continent, moins tourmenté, l'Amérique du Sud. C'est la part d'ombre du Dakar. Ombre et lumière, 36 ans d'histoire, de gloire et de polémique, une affaire qui fut longtemps sensible et dont nous parlerons également avec notre invité Hubert Auriol, ancien directeur du Dakar de 1994 à 2003, triple vainqueur de l'épreuve, l'un des rares pilotes à avoir gagné à la fois à moto et en voiture, un sportif complet. Il organise aujourd'hui, via sa société, des rallyes raids à travers le monde, dont le rallye de la route de la soie en Chine qui partira à la fin du mois d'août 2015. Affaire Sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Léa Dupuy-Henquin, Ida Bory, coordination Christophe Barrer, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Pierre Jabot, Coyen Guyenne, Jérôme Chélius, à la technique aujourd'hui, Élise Christophe, Grégory Wallon. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Lisbonne, Portugal, 4 février 2008. Dans le parc fermé de l'organisation, les rutilantes mécaniques des 4x4, motos et autres camions attendent la confrontation avec les dunes. Pour cette 30e édition du Dakar, la course ne part pas de Paris mais de Lisbonne, comme c'est le cas depuis 2 ans, pour un parcours dans le désert marocain, mauritanien, malien, avant de rejoindre Dakar. Mais à l'inverse des précédentes éditions qui exhalaient un parfum de fête et d'excitation, en cette année anniversaire de la célèbre épreuve de sport mécanique, l'ambiance est lourde parmi les concurrents et les organisateurs. En effet, depuis quelques jours, plane sur la course la crainte d'une annulation. Quelques heures plus tard, ce vendredi 4 janvier 2008, en conférence de presse, la nouvelle tant attendue tombe, le Dakar ne partira pas. France Inter. Il n'y aura donc pas cette année de rallye Dakar. Après 24 heures de réflexion et 2 mises en garde successives de la part du gouvernement français, la société Amaury Sport Organisation, Asso, a décidé d'annuler l'épreuve. La peur qu'il y ait des attentats contre la caravane lors de son passage en Mauritanie a été la plus forte. La Mauritanie où 4 touristes français ont été tués, je vous le rappelle, à la veille de Noël. La course avait déjà connu par le passé, en 92, en 97, en 2000 et même l'an dernier, des alertes terroristes, mais elle avait contourné les difficultés, cette fois pas question. Écoutez, le président d'Asso, Patrice Clerc, expliquait les raisons de cette décision. On ne joue pas avec la sécurité. Plus spécifiquement, on est passé d'une menace, je veux dire, de type classique, qui est une menace, je dirais, militaire classique, qui était celle à laquelle auquel on avait à faire face en Mauritanie ces dernières années, que le gouvernement mauritanien, les autorités mauritaniennes combattaient très bien en mettant beaucoup de moyens militaires pour défendre le rallye. Et bien, on est passé de ce type de menace classique à une menace beaucoup plus insidieuse et beaucoup plus dramatique, qui est la menace des attentats isolés avec ce terrible label qui s'appelle Al-Qaïda. Pour la première fois en 30 ans, l'épreuve reine des courses de rallye raid ne traversera pas l'Afrique. Elle ne franchira plus les portes du désert saharien, de l'Aïr ou du Ténéré. Pour des milliers de fans, c'est la fin d'une époque, la fin d'une histoire vieille de 30 ans. L'histoire d'hommes et de femmes passionnés qui reliaient Paris à Dakar dans un panache de fumée et le bruit assourdissant des moteurs. Dans la fatigue, la sueur et les larmes parfois, la course, le sport, le dépassement, la découverte d'un continent et plus, si affinité. L'histoire du Dakar, c'est à l'origine l'histoire d'un homme passionné par l'aventure, par le désert et surtout par les rencontres. Cet homme, explorateur dans l'âme, c'est Thierry Sabine. La chronique retient que c'est après s'être perdu à moto dans le désert de Libye lors du rallye Abidjan-Nice en 1977 et après avoir été sauvé in extremis, que l'idée de concevoir son propre rallye a germé. Un rallye africain, bien sûr. Car Thierry Sabine est depuis longtemps subjugué par l'immensité et la beauté des paysages du continent noir, particulièrement du désert de sable qu'est le Sahara. Pionnier dans bien des domaines, Thierry Sabine imagine alors un concept révolutionnaire, permettre à tous de vivre ce rallye. Oui, à tous. Il s'agit de donner la possibilité aux aventuriers, pilotes professionnels ou non, de participer à un défi exceptionnel, à la rencontre de paysages, de sables magnifiques, mais aussi, dans le même temps, de faire partager le rêve à ceux qui restent en France ou ailleurs, grâce à la retransmission télévisée. Dans le parcours, Thierry Sabine voit grand, Thierry Sabine voit loin, avec comme point de départ une grande ville européenne, pour donner au rallye toute sa dimension médiatique, et très vite, à ce niveau, le choix s'oriente vers Paris. Pour l'arrivée, ce sera Dakar, où notre aventurier imagine déjà la caravane du rallye passer près du lac Rose. Entre les deux, plusieurs escales sont envisagées, Alger, puis Agadez, Bamako, Nouakchott, le choix ne manque pas. Face aux médias qui s'interrogent sur l'organisation d'un tel événement, Thierry Sabine expose les moyens qu'il compte mettre en place. Mon équipe travaille plus en commando qu'en invincible armada. Nous sommes donc peu nombreux, mais très structurés, et même à la limite, j'irais presque hiérarchisés. Pour ça, ma collaboration avec l'armée de terre m'a beaucoup aidé, au niveau justement de toute l'infrastructure, la mise en place sur le terrain d'équipes légères. Et nous serons donc 15 tous les matins à lancer la course. Mais autour de ça, il y aura donc tous mes médecins, 12 au total, 2 hélicos, un d'évacuation sanitaire, un autre de surveillance, un avion de fermeture de piste qui partira le lendemain de la course et fera un ratissage systématique, 2 camions balais précédés par une voiture légère balai qui, elle, ne fera que noter ou aller chercher derrière toutes les dunes les concurrents éventuellement cassés ou abandonnés, plus 3 véhicules précurseurs qui ouvrent la piste. Tous ces véhicules sont reliés entre eux par radio, en liaison HF-BLU, reliés à l'hélicoptère dans lequel je me trouve, et à partir duquel je surveille tout et tire un peu les ficelles. Donc mes TSO sur le terrain, ça fera 60 personnes. Le rêve de Thierry Sabine devient réalité le 26 décembre 1978, lorsque la place du Trocadéro est envahie par 170 concurrents et leurs engins, voitures, motos ou camions, qui viennent prendre le départ de ce premier Paris-Dakar de l'histoire. Parmi eux, nombreux sont des amateurs, des passionnés, qui ne viennent pas pour gagner, mais simplement pour aller au bout, vivre cette aventure qui s'annonce exceptionnelle et réaliser un rêve. Mais à quelques kilomètres seulement de Paris, lors du prologue de ce rallye, les concurrents découvrent la réalité de l'enfer mécanique qui les attend une fois sur place en Afrique. 4, 3, 2, 1. Le prologue, long de 3 km 800 et disputé ce matin dans le camp militaire de Montlhéry, devait simplement déterminer l'ordre des départs et s'annoncer comme une épreuve de vitesse pure avant la longue traversée du désert. Mais la pluie a tout changé, la pluie a tout modifié. Les sous-bois transformés en bourbiers, les ornières piégeuses ont fait de cette épreuve tout terrain un véritable motocross. 88 motos tentent l'aventure entre Paris et Dakar, pour eux 10 000 km de piste et 21 jours de souffrance. Mais pour certains, les problèmes et les difficultés ont déjà commencé. Problèmes de moteur, d'équilibre ou bien des chutes, elles furent nombreuses. Et oui, Dakar, c'est encore loin. Thierry Sabine, nous assistons à un prologue véritablement dantesque. Vous-même, vous attendiez pas à une telle épreuve? Oh, une telle épreuve, si, parce que c'est quand même moi qui l'ai préparé, donc je m'y attendais un petit peu. La seule chose qui me sidère, c'est le talent des pilotes, surtout en voiture. Et je dois dire que les deux roues motrices, qui nous pouvaient être seules à nous inquiéter un petit peu, sont passées vraiment d'une façon extraordinaire. Et là, chapeau. Et en plus de ça, Le public qu'il y a aujourd'hui est fantastique. Et je crois qu'en fait, le but d'une telle épreuve, que ce soit en France ou en Afrique, c'est de, bien sûr de motiver ceux qui partent, mais aussi ceux qui restent. Et là, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui resteront en France pendant que nous découvrirons l'Afrique ont eu un petit aperçu, de, non pas de ce qui nous attend, parce que Dieu merci, il n'y aura pas autant de boue, mais je crois qu'en fait, ça leur donne une petite idée et peut-être ça les motivera pour l'année prochaine de refaire ce rallye Oasis Paris-Dakar. Immédiatement, la course attire l'attention médiatique. Car au-delà de ces premières images, celles de motards reprises avec les aléas de la nature, de la météo et les passages difficiles, les voitures embourbées, c'est le programme du parcours, digne d'un vol de nuit de Saint-Exupéry qui fait rêver. Pas moins de 10 000 km sur les pistes d'Algérie, du Niger, du Mali, de la Haute-Volta et du Sénégal. Une rencontre inédite entre le monde moderne et sa technique et un monde très ancré dans ses traditions. Considération évidemment trop schématique pour être convaincante, mais présentée comme telle. D'ailleurs, pour ancrer un peu plus cette première expérience entre Paris et Dakar dans un enjeu supérieur à celui d'une course, les temps et les classements ne comptent pas. Certes, il y aura bien un gagnant dans chaque catégorie, mais pour Thierry Sabine, c'est la découverte de soi, le dépassement de ses propres limites et l'aventure qui prime. Et c'est ainsi qu'après 15 jours de course folle, de grains de sable et de folie, les concurrents de cette première édition rejoignent enfin Dakar. Après avoir supporté la chaleur et la sécheresse pendant 5000 km de désert et de savane, les 72 pilotes encore en course du rallye Paris-Dakar sont arrivés hier soir dans la capitale sénégalaise sous une pluie battante. De mémoire d'homme, on n'avait pas vu un temps pareil en janvier depuis 30 ans. La remise des prix aura lieu ce soir, mais l'on sait déjà que le grand vainqueur de ce rallye est le jeune motocycliste Cyril Neveu sur Yamaha 500 XT. Une victoire qu'il a dû défendre jusqu'au bout, car il était talonné par Gilles Comte, le pilote officiel Yamaha, vainqueur du dernier Abidjan-Nice il y a 2 ans. La première voiture au classement général, la Range Rover de Genestier Thiébaut, n'est que 8e au classement général, c'est dire la suprématie des motos dans ce rallye. Seule deux roues motrices, la 504 de Chamagne Terragne. Pour les camions, c'est le Putsch Pilsgauer de Jean-François Dunac qui l'emporte brillamment devant son concurrent, le unique 4x4, qui transportait lui 15 tonnes de charge sur ce rallye. Martine de Cortance, enfin sur sa Honda 250 XLS, a remarquablement remporté la Coupe des Dames. Le rallye Paris-Dakar est fini, critiqué par certains, loué par d'autres. Cette épreuve très difficile et dangereuse a certes souffert de maladies de jeunesse et d'erreurs dans l'organisation. Il faudra plus de rigueur à l'avenir si le rallye continue. Mais ce rallye a prouvé aussi que même des pilotes sans grande expérience du tout-terrain pouvaient se défoncer comme des professionnels de la course. Et la seule envie rentrée des pilotes arrivés à Dakar, c'est de ne pas avoir pu tout voir en cours de route. Ils reviendront. On n'oublie ni le désert ni la brousse quand on y a goûté. Sur les 170 concurrents à se présenter au départ, seuls 70 atteindront la ligne d'arrivée. Mais ce premier Paris-Dakar, par l'originalité de son tracé et par la grandeur des paysages traversés, est une réussite. Le succès est au rendez-vous auprès du public et le rallye suscite immédiatement l'engouement chez les concurrents comme chez les constructeurs. C'est le début d'une aventure qui va durer 30 ans. Tu as vu ce monde qu'il y a, mais c'est fou, hein. Incroyablement. Pas de carton, là. Bienvenue à Grand Leroy, le camion Mercedes qui va partir dans quelques instants. Vas-y, je joue. Deuxième rallye, Paris-Algérie d'Akar. Merci, merci. Robert, des bonnes années. Merci. 6, 5, 4, 3, 2, 1, merci à tous, c'est parti. Chaque départ, d'une année sur l'autre, le Dakar réunit la foule, place de la Concorde. On y retrouve des milliers de passionnés fascinés par ces aventuriers ordinaires qui défient le désert avec les moyens du bord. Mais au-delà de l'aspect sportif de l'événement, le Dakar trouve un autre chemin d'expression, humanitaire celui-là. De nombreuses organisations d'entraide aux pays en développement profitent de la caravane pour embarquer du matériel scolaire et le déposer dans les écoles qui se trouvent sur le chemin de la course. Ils prennent aussi du matériel médical ou encore technique, comme des pompes à eau, pour permettre aux paysans de puiser dans les puits du Sahel. Certaines associations vont jusqu'à y envoyer des tracteurs, oui, des tracteurs, comme l'explique Bernard Tixier, l'un des organisateurs. L'essentiel est de laisser, de déposer dans 8 villages, 4 au Mali, 4 au Sénégal, un ensemble, tracteurs et remorques, qui ont été conditionnés au climat de l'Afrique et comportant soit du matériel agricole, soit du matériel vétérinaire, soit du matériel santé humaine et du matériel scolaire. Ces villages sont jumelés avec des villages français et nos publications ont pour mission d'entretenir les liens entre les agriculteurs de ces villages et les agriculteurs français. En 1981, les Yamaha et Honda bricolés au fond du garage côtoient la Rolls-Royce de Thierry de Montcorgé ou la Citroën CX du pilote de F1 Jackie X accompagné de Claude Brasseur. De son côté, Hubert Auriol rafle la première place du classement des pilotes en catégorie moto après une course dans des paysages incroyables. Du côté des amateurs ou des moins expérimentés, la course peut très vite tourner à l'enfer lorsque les traces et repères de la piste sont balayés par le vent, recouverts par le sable ou disparaissent avec la baisse de la luminosité. Et surtout, attention aux ornières. Dès lors, pour l'organisation, c'est une course contre la montre qui débute pour aller chercher les naufragés. L'équipage Thatcher-Vernet-Garnier n'est toujours pas localisé. Un Breguet Atlantique et un Nord Atlas venus de Dakar ratissent le désert. Voiture 179 du Breguet Atlantique pour contact Radio Paris. Finalement, ce seront des gendarmes algériens qui les retrouveront. Quelques heures plus tard à Tessalit, la première interview. Being in the desert 6 days is not the best thing that can happen. Passer dans le désert 6 jours et 6 nuits n'est certainement pas la chose la plus agréable qui puisse arriver. Mais si vous avez assez d'eau et de nourriture, si vous n'êtes pas seul et si vous respectez une certaine discipline, c'est supportable. You should live by, you know. But if you do stupid things like you leave the car, mais si vous quittez la voiture, si vous buvez trop d'eau, alors là, c'est de la folie. Les premiers jours, non. Et puis après, bon, je pensais que c'était fini. Réellement. Ah, réellement. Là, je crois que même nous avons été tous les trois dans le même cas. À votre avis, on peut tenir combien de temps dans le désert à cette époque? On a eu un gros problème parce que notre jerrycan d'eau a explosé pendant la spéciale, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec les 3 litres d'eau que nous ont passé les Suisses qui étaient avec nous. Et on ne pouvait même plus boire, c'est-à-dire que le matin on a le droit à un demi-verre d'eau qu'on gardait sous la langue, qu'on rejetait dans le verre et tout, pour que ça fasse toute la journée. Et là, je pense qu'on tenait encore 2 jours comme ça, mais pas beaucoup plus. Du côté des professionnels également, les ennuis font partie du quotidien, à l'image des galères mécaniques que rencontre par exemple la voiture du pilote Bernard Darniche. Au moindre banc de sable, la voiture s'est ensablée parce que l'embrayage patinait, ça a recommencé encore une fois. L'assistance est arrivée très rapidement, enfin une heure après, et ils ont changé la boîte, l'embrayage et l'alternateur sur la piste. Et là, tu repars? On repart avec 4 heures encore. Ça va combien au total? Ça va faire 25 ou 26 heures ce soir, je crois, 27 heures peut-être. Et le moral? Il n'y a pas la semaine encore. Et le moral? Pas trop, non. Plus là, je sais pas si c'est la contrariété ou quoi, mais j'ai un mal de tête terrible et je sais pas la forme là. Effectivement, Bernard n'a pas la forme. Il va se planter 20 mètres après être reparti. Thierry Sabine, qui surveille tout cela en hélicoptère, toutes ces péripéties sont l'essence même du Dakar et de la course, son carburant métaphorique. Elles font la difficulté et l'attrait de l'épreuve. Après 6 années de pratique, malgré les accidents et des décès, le Dakar reste sur une dynamique, une grosse dynamique. Mais c'était sans compter sur l'année noire, 1986, l'année des larmes du Dakar, et bien au-delà. Moi je traîne dans le désert depuis plus de 28 jours et déjà quelques mirages me disent de faire demi-tour. La fée des neiges me suit tapant sur son tambour. Les fantômes du syndicat des marchands de certitudes se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire le goût de la solitude. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Tous les rapaces du pouvoir menés par un gros clown sinistre plongent vers moi sur la musique d'un piètre accordéoniste. Je crois pas qu'ils viennent me parler des joies de la vie d'artiste. De l'autre côté, voilà qu'un toujours aussi lunatique, son œil est rempli de sable et sa bouche pleine de verdict. Il trône dans un cimetière de vieilles pelles mécaniques. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, là, là, tu te demandes à qui ça le quai du jeu qu'on veut faire. J'ouvrais les yeux bandés. Les gens disent que les poètes finissent tous nos trafiquants d'armes. On est 50 millions de poètes, c'est ça qui doit faire notre charme. Sur une lune de Saturne, mon perroquet sonne l'alarme. C'est drôle mais tout le monde s'en fout. Vendredi tombant nulle part, y'a Robinson de solitaire qui m'a dit je trouve plus mon île. Vous n'auriez pas vu la mer. Va falloir que je lui parle du thermonucléaire. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Tous tes rêves un peu truqués du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là là là, tu te demandes à qui ça sert les yeux bandés. Hier un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit t'as tenu combien de jours? J'ai répondu bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, là, là, là, tu te demandes à qui ça sert. Ah, les yeux bandés. Tu te débrouilles par tous les moyens utilisés pour trouver le numéro de l'ambassade de France au Mali. Mercredi 15 janvier 1986, 7e édition du Dakar. À travers les hublots de l'avion de liaison du rallye, les premiers rayons de soleil dessinent les ombres et les formes des dunes du désert malien. Au même instant, à bord de l'appareil, la tension est forte, car l'un des hélicoptères d'assistance du Paris-Dakar aurait eu un accident la veille. Mais personne, à l'exception des responsables de la course, n'en sait davantage, pour le moment. Alors, les informations arrivent au compte-gouttes, et on dit qu'il s'agit de l'hélicoptère de l'organisateur de la course, Thierry Sabine. Les bruits les plus fous circulent parmi les journalistes, on sait seulement que la situation est grave. Au sol, vers 10h, Patrick Verdoy, le directeur de la course, accompagné de Gérard Fusy d'Europe 1, se présente face aux journalistes et confirme ce que beaucoup redoutaient. Un hélicoptère d'assistance s'est bien crashé la veille à 200 km de là, dans les dunes de Gourmaraous. Il y avait à bord Thierry Sabine, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnou, le pilote, Daniel Balavoine et Nathalie Audan du journal du dimanche. Et tous les cinq sont morts. Le terrain était très très plat, il y avait une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère, s'est crashé. Comme vous le savez, il y avait un fort vent de sable hier soir. Ils sont morts sur le coup. L'hélicoptère n'a pas brûlé, c'est complètement disloqué. Quelles sont les décisions que tu risques de prendre dans les moments qui viennent enfin, on a fait partir tous les concurrents de Gourmaraous en liaison vers Bamako pour rapatrier tout le monde à Bamako. Une liaison avec un temps imparti large et le départ reprendra demain. Le départ de la course ? Oui. C'est de toute façon, on avait déjà évoqué le sujet avec Thierry auparavant et je sais que c'est ce qu'il voulait. Au moment de l'annonce du directeur de la course, la plupart des concurrents sont déjà repartis. Ils n'apprendront la nouvelle qu'au point de ravitaillement et pour certains même à leur arrivée le soir au bivouac à Bamako. Pour tous, c'est le choc. La mort de Daniel Balavoine, venu là pour des raisons humanitaires. Il était plus qu'un chanteur, il était une conscience. Sa disparition est insupportable. Quelques mois auparavant, au sommet de son art, il avait sorti un album somptueux intitulé « Sauver l'amour » avec son inoubliable Aziza. Et puis la mort de Thierry Sabine, bien sûr, qui n'était pas seulement un patron de course, il était pour beaucoup un ami, un homme qualifié par beaucoup d'extraordinaire. Il était l'âme du Dakar, celui par qui tous les temps bravait les dangers pour venir aider, dépanner ou recueillir les concurrents en perdition dans le désert. Pourtant, et malgré cet événement dramatique, Patrick Verdoy leur redit à tous les concurrents, le rallye doit continuer en mémoire de Thierry Sabine, car il l'aurait voulu ainsi. Continuer. C'est aussi l'avis de Nicole Bassot. Éliminée la veille de la course, elle fait partie des premiers concurrents qui apprennent la nouvelle. Il n'y a rien à dire, je crois. Il n'y aura plus de Paris-Dakar. Et le fait que le rallye continue d'après ce qu'on nous annonce, ça vous semble normal? Oui, il faut, oui. Je crois qu'il aurait voulu. Il a jamais arrêté une course. Ouais. Il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un gagnant du Paris-Dakar. Le problème, c'est que ceux qui vont continuer vont avoir du mal, je pense. Moi, je dois dire que, autant hier, j'étais déçue d'être hors course, autant maintenant, je ne me sentirais plus le courage de continuer. Mais quelle signification d'annoncer demain soir des classements, de dire qu'un tel a perdu tant de minutes sur un tel après ce qui s'est passé? C'est une course qui a du panache, c'est une course prestigieuse, il faut qu'elle se termine. En plus, c'est la dernière, je pense. Donc, il faut qu'elle se termine. Alors Gilbert Sabine, le père de Thierry et Patrick Verdoy prennent le relais du fondateur du rallye car il faut absolument terminer la course et surtout ramener tous les concurrents à bon port. Les cendres de Thierry Sabine sont dispersées dans le désert, l'endroit de sa passion. La course reprend donc, mais le cœur n'y est plus, on l'imagine. L'année 1986 restera à jamais pour le Dakar comme une année noire. 2 pilotes morts pendant la course, puis 5 dans un hélicoptère de l'organisation. À ce moment-là, la légende du Dakar bascule dans un drame dont le rallye aurait pu ne jamais se remettre. L'année suivante, en 1987, au départ de Paris, l'ambiance n'est plus la même. Certes, l'organisation évolue vers toujours plus de sécurité, mais toute l'épreuve semble se dérouler dans un climat de tension, celui du spectre de l'accident mortel qui peut frapper à tout moment. Côté auto, le constructeur Peugeot arrive en force et prend la tête du début à la fin des opérations avec un dispositif de type usine et d'importants moyens qui préfigurent les évolutions professionnelles à venir. Sur le terrain, les 205 T16, dont celle du champion du monde des rallyes Harry Vatanen, dominent sans partage. Pour les motos, un duel à trois oppose notre invité, Hubert Auriol, à Cyril Neveu et Gaston Raillet, trois des plus grands noms du Dakar, qui se sont lancés cette année-là dans une course folle. Au classement général, après 20 jours d'épreuve, ils sont dans un mouchoir de poche. Puis Neveu et Auriol prennent le large. Mais à 20 km de l'arrivée, sur l'avant-dernière spéciale à Saint-Louis du Sénégal, tous les pilotes franchissent la ligne, sauf Hubert Auriol. Les minutes passent. Un pilote informe Cyril Neveu qu'Hubert Auriol aurait chuté à quelques kilomètres de là, victime d'une souche, cet enchevêtrement de racines d'un arbre. Quelques instants plus tard, dans un panache de fumée, on aperçoit la moto Caviga blanche du pilote français, star du Dakar. Il franchit à son tour la ligne, tout se précipite. Hubert Auriol est en larmes, il s'est blessé en chutant. J'ai les deux chevilles cassées. Tiens. J'ai trop mal. Un médecin là de la caravane, plutôt pas partir, je tiens la moto. Vas-y. Il a les deux chevilles. Mon pied. Les deux. Attention. Calme la moto. Plutôt partir. Deux soirs. Calme. Parce que là, c'est pas vrai. Un 10 bandits, c'est pas qu'il regarde des deux chevilles. Oh merde. Dans les saignées, les jours sont passés. Il a passé la ligne au ralenti, mais. Ils sont cassés. Hubert Auriol termine l'étape de façon héroïque. Pour Cyril Neveu, la victoire est désormais assurée, mais elle a un goût amer. Car dans le Dakar, plus qu'ailleurs, on ne gagne pas contre les autres, on gagne contre le terrain, contre les aléas mécaniques et en définitive, contre soi-même. En 1988, pour ses 10 ans, le Dakar bat tous les records en termes de participation. Cette année, ce ne sont pas moins de 600 personnes qui se sont inscrites dans les différentes catégories pour participer à l'aventure. C'est 3 fois plus que pour la première édition. Parmi tous ces prétendants, près d'une centaine seront contraints à l'abandon après la première étape algérienne dans les dunes de sable d'El Oued. Comme l'année précédente, Peugeot est là et bien là et domine les débats dans la catégorie auto. Mais au matin de la 14e étape du parcours, sur le bivouac installé à la périphérie de Bamako, une folle rumeur se répand. La 405 T16 d'Harry Vatanen aurait disparu du parc, pourtant fermé pendant la nuit. De son côté, le directeur sportif de Peugeot, Jean Todt, gère tant bien que mal la crise au téléphone. Philippe Bardonneau de France Inter donne des précisions sur cette étrange affaire. Avant de tourner au gag, le crime était presque parfait, tard dans la nuit. Les mécanos de l'équipe Peugeot travaillent autour de la voiture de tête du rallye à 4h. Ils ferment leur caisse à outils et vont dormir du sommeil des justes à 6h10. La 405 sort, à faible allure, du parc fermé. Pour faire démarrer cette bête de course, il faut être du métier. Les quelques témoins de la scène, dont René Medge, le directeur du rallye, pensent donc qu'il s'agit d'une ultime vérification que les perfectionnistes de l'écurie veulent faire subir à leur voiture. Seulement voilà, même les perfectionnistes n'avaient pas prévu l'éventualité d'un vol. Une heure après, Jean Todt reçoit dans sa chambre d'hôtel un coup de fil des ravisseurs. Ils exigent une rançon de 500 000 francs pour rendre leur otage. Le colonel, chef de la sécurité nationale du Mali, est réveillé et prend les recherches en main. Mais c'est finalement un commerçant et un photographe qui retrouveront la machine, abandonnée dans une décharge publique, à 5 km seulement de son point de départ, là où les ravisseurs sont bêtement tombés en pâte sèche. Harry Vatanen a pris le départ dans la poussière des autres concurrents, mais sans être pénalisé pour son retard au départ de la spéciale, un épisode digne des albums de bande dessinée de Michel Vaillant. Quant à Jean Todt, qui pensait pourtant avoir tout prévu, il a juré, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Dans cette affaire, et pour certains, Peugeot aurait orchestré lui-même la disparition de la voiture, histoire de la réparer dans le plus grand secret, avant qu'elle ne réapparaisse, comme par magie. Pour d'autres, c'est la preuve que le Dakar, bien loin des utopies et de son idéal de course, suscite jalousie et convoitise dans des pays qu'il traverse, où la majorité des populations vit sous le seuil de pauvreté. Quoi qu'on en pense, le Finlandais sera mis hors course pour avoir pris le départ avec plus de 30 minutes de retard. Cette disparition restera l'un des grands mystères qui vont contribuer à la légende du Dakar. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, Hubert Auriol, ancien directeur du Dakar, triple vainqueur de l'épreuve, nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. De bons et loyaux services, la fin de la décennie 80 marque l'entrée du rallye Dakar dans la tourmente médiatique. Depuis plusieurs années, en effet, les morts s'accumulent lors du passage du rallye. Ce qui choque l'opinion, c'est que ces vies perdues sont aussi celles de spectateurs, quelquefois enfants écrasés par un camion, voiture qui fait un tonneau sur des gens dans un village. L'opinion publique semble choquée désormais par le Dakar, décrit comme un mauvais élève. Pour les anti-Dakar, qui depuis plusieurs années militent pour un arrêt de la course, le prétexte est idéal. En plus de la sécurité, le rallye serait synonyme de pollution. L'aspect humanitaire, un prétexte. Et puis ces super motards qui filent à plus de 100 km/h à travers les villages les plus pauvres, sans s'arrêter, sans apporter de l'aide. Ces livages d'occidentaux européens fortunés qui s'offrent l'Afrique comme si elle n'était qu'un objet de consommation. De leur côté, les organisateurs se défendent de ne pouvoir éviter tous les risques, de ne pouvoir présenter une copie parfaite, estimant tout de même que le Dakar doit évoluer. Il faudra attendre 2008 pour que la menace terroriste fasse planer le doute sur l'avenir du rallye. Annulé puis déplacé, désormais il se déroule chaque année en Amérique du Sud, où les montagnes de gravier ont remplacé les dunes de sable. Reste le souvenir de ses départs, place de la Concorde et ses arrivées sur le lac Rose, une tradition qui a perduré pendant 30 ans. Daniel Balavoine, Laziza, Hubert Auriol est donc avec nous. Bonjour Hubert Auriol. Bonjour. Alors je rappelle que vous avez vécu en tant que pilote hein, les grandes années du Dakar. Vous avez gagné en 81, 83 et 92 et puis vous avez dirigé le Paris-Dakar de 1994 à 2003. Aujourd'hui vous organisez toujours des rallyes, dont celui de la route de la soie en Chine, on en parlera tout à l'heure. Concernant l'âge d'or du Paris-Dakar, la façon dont vous l'avez vécu au guidon de votre moto, quel est votre souvenir le plus fort? J'ai presque envie d'orienter la question, c'est pas bien de faire ça, mais je le fais quand même. Est-ce que c'est cet accident incroyable ou... Racontez-nous encore cet accident. Vous a entendu en plein désespoir, c'est le sportif qui a battu en plein vol. Hein. Il ne peut plus continuer, il a mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé un incident de course. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis encore surpris de la réaction des gens. Je croise encore des gens aujourd'hui, quand je les vois pour la première fois, ils me disent « Oh, qu'est-ce que tu nous as fait pleurer et tout ?» Mais c'est incroyable, 87, je veux dire, on est en 2015. Ouais. Ça a marqué les gens d'une façon incroyable et je crois qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est vrai que c'était à l'époque le Dakar, c'était tout le monde suivait ça, c'était l'espèce de feuilleton de tout le monde de l'hiver, rêvait, quoi. C'était le feuilleton rendez-vous d'hiver. Ouais. Et puis il y a un autre événement, c'est que c'était la première fois où il y avait vraiment de la télévision presque en direct. Et cette étape-là avait été filmée à l'époque, c'était je crois France Télévisions qui faisait presque du direct. C'était pas tout à fait du direct. Et donc il y avait un caméraman qui avait filmé. L'étape se finissait à midi et ils ont fini le journal le samedi à 13h30. Avec l'annonce, avec l'info. Donc, tous les journaux ont ouvert le soir, à 20h, avec le fait que j'avais abandonné et qu'il y avait eu l'accident. Donc, ça a eu un retentissement incroyable, quoi. Parce que c'était vraiment un événement. Et effectivement, à l'époque, on ne savait pas que j'allais abandonner. Mais le soir, bah, on savait que, bah, puisque j'étais dans l'avion pour rentrer en France, et j'allais te réparer le lendemain. Donc, vous chutez, vous vous cassez les deux chevilles. Ça n'a plus d'appui, sans voie d'appui. Ah vous remontez, bon, c'est encore chaud, donc vous remontez sur la moto. Non, c'est en fait, j'ai un pilote qui s'appelle Marc Joanneau qui passe, qui me dit qu'est-ce qui t'arrive et tout. Alors, je suis là par terre, je peux rien faire parce que j'ai tellement mal. Donc, il me redresse la moto. Il arrive à me la redémarrer. Je me traîne sur la moto. J'essaye de la réparer parce que l'échappement le moteur tourne. Donc, je me mets dessus. Et moi, j'ai qu'une idée dans la tête. C'est finir. Je suis à 25 km de l'arrivée. Et je suis encore en tête. Je sais que je suis en tête. J'ai encore pas grand-chose, mais je suis en tête. Donc je pars, j'ai qu'une obsession, finir. Et donc je roule comme je peux. Donc mes deux chevilles sont immobiles. Donc je donne des coups dans le sélecteur ou dans le frein parce que j'arrive pas à changer les vitesses. Et j'essaye de conduire tant bien que mal. Je me souviens que je traverse deux fois des villages avec les poules et tout parce que j'essaye de pas tomber, surtout parce que si je tombe, c'est fini. Et je vois la ligne d'arrivée. Et pendant ces 25 km, la douleur... Parce qu'en fait, elle ne vient pas tout de suite. Elle monte progressivement. Et là, j'ai une douleur, c'est terrible. J'ai les larmes qui coulent sous les lunettes. Et je roule, j'essaye de rouler. Et je passe la ligne d'arrivée. Évidemment, je vois les gens qui gesticulent quand je passe la ligne d'arrivée. Parce que personne ne sait ce qui s'est passé. Ça prend dans quel état vous êtes. Non. Ouais. Et en arrivant, je suis posé sur la moto. Je lui dis, aidez-moi, je ne peux pas tenir debout. Quoi. Sauf que personne ne sait ce qui se passe. Et vous apprenez que vous avez les deux chevilles cassées. Évidemment, parce et moi, je dis... J'arrête la moto, j'ai les deux chevilles cassées. Et j'ai arrêté la moto et j'ai les deux chevilles cassées. Sauf que je ne savais pas, je n'étais jamais cassé les chevilles. Alors, quelle était l'ambiance parmi la caravane, les pilotes, au début, pendant l'aspect pionnier du Paris-Dakar? Je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le départ du premier Trocadéro. Ouais. Le premier Trocadéro, moi d'abord j'y étais. J'y étais en poireau, c'est exactement l'esprit de Thierry, c'est-à-dire faire rêver ceux qui partent, une course ouverte à tous. Moi j'avais acheté ma moto un mois avant, j'avais jamais fait une course en Afrique, j'avais jamais été en Afrique en moto, et je suis parti au départ en me disant, bah tiens, on va aller à Dakar en moto, quoi. C'était ça. Donc c'était pas la notion de course, c'était, tiens, c'est formidable, j'avais rêvé de faire un voyage avec des copains, on avait parlé de ça pendant qu'on était étudiants, on s'est dit, on fera un grand voyage et tout, et puis vous savez, la vie passe, il y en a un qui s'est marié, l'autre qui est parti à l'étranger, les projets se partent en déliquescence, et je me suis dit, là, c'est l'occasion idéale, j'ai besoin de personne, je m'inscris et je peux participer à la course. Ce que j'ai fait. Et en plus, à l'époque, je travaillais, j'étais dans le textile, j'avais un bon job et tout allait bien. Mais je me suis dit, si je ne pars pas là, je ne partirai jamais. Quel âge vous aviez? J'avais 25 ans. Oui, c'est l'âge où on part, oui, effectivement. Et je suis parti et jamais j'aurais imaginé qu'en partant au Dakar la première fois, ça allait quand même changer ma vie. Moi, ça a changé ma vie, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous êtes devenu un professionnel des rallyes ensuite, de la moto, de non, l'organisation? Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, si vous voulez, bon... C'est ça que ça veut dire? Bon, ça... moi j'étais né en Afrique, donc j'avais envie de retourner en Afrique, ça c'était une bonne chose. Mais quand je suis revenu, on a été subjugué par l'Afrique, par la course, par l'ambiance, parce qu'on a découvert quelque chose qui n'existait pas. Et c'est vrai que tout ce que vous avez dit au début sur l'approche que Thierry avait eue de cette course, il a misé juste. Il l'a fait peut-être un peu contre son gré, c'est-à-dire il l'a fait pas exprès, mais il s'est pas loupé. Il s'est pas loupé sur la com, parce que dès le début, il y avait quand même l'avion, entre guillemets, des journalistes. Il avait quand même récupéré les cinq plus grands médias français. C'était un barnum médiatique, mais oui, pas possible. Mais c'est clair. Il avait tout compris. Ouais. Il avait tout compris. Et donc, dès le début, il y avait de la presse, il y avait de l'aventure, il y avait de l'ambiance, il y avait tout. Il y avait tous les ingrédients. Alors, on dit course ouverte, hein, dans le concept de Thierry Sabine, tout le monde peut participer. Et puis, au fil des années, et assez vite, ça se professionnalise quand même. On a des voitures qui sont des vraies voitures professionnelles, avec des grosses écuries, les motos, c'est pareil. Est-ce qu'on ne perd pas quand même l'esprit amateur, l'esprit je dirais, heureusement. Heureusement, parce que regardez, moi je suis l'exemple type, je suis le pur amateur. Moi j'étais un poireau au début. J'étais un poireau, d'ailleurs, au début on ne savait pas, on était habillé, j'avais une tenue en cuir verte. Donc vous voyez, on était des poireaux verts, c'est le cas de dire. Et j'ai gagné le Dakar. Donc, gagner le Dakar quelque part, bon, c'est pas une fin en soi, mais c'était pour moi, c'était une espèce d'accomplissement. Mais c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'après, bon, quand j'ai gagné en moto, après j'ai réessayé en voiture, puisque vous savez, je suis passé à la voiture, ouais, après la moto. Et je me suis retrouvé quand même pilote officiel chez Mitsubishi. Chez Mitsubishi, j'étais confronté à Bruno Sabi, Shinozuka, qui étaient des pilotes professionnels que j'ai battus puisque j'ai gagné la course. Oui. Donc ça veut dire que cette course donnait la possibilité à des amateurs de devenir professionnels. C'était vraiment l'esprit que Thierry voulait. Et nous, enfin moi, pas que moi, mais on est plein. Fabio Meoni, on est plein à être des purs produits du Dakar. Bien, Hubert Auriol, on va parler de deux, trois choses qui fâchent quand même, parce que ça fait partie de l'histoire. Hein. Je disais, le Paris-Dakar, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Alors, je veux bien que la part de lumière soit prégnante. Oh, elle est importante quand même. Oui, elle est prégnante même, plus qu'importante. Mais il y a une part d'ombre qui existe et qui fait partie de l'histoire. Donc, c'est pour ça qu'on va l'aborder quand même. Avant l'annulation 2008, le rallye avait connu des aléas et des menaces, hein, notamment en janvier 2000, où face à la menace terroriste qui planait sur la caravane, l'organisation a mis en place un pont aérien pour transporter tous les véhicules directement en Libye et ainsi éviter de traverser le Niger, une sorte d'exploit sur lequel on va revenir, on va écouter ça puis on en reparle après. Au PC du rallye installé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey, les organisateurs essaient depuis le milieu de la matinée de trouver une solution. Il n'est plus question de laisser les concurrents naviguer seuls dans les déserts de l'Aïr et du Ténéré. La course est donc neutralisée jusqu'à nouvel ordre. Pour le responsable de la sécurité du Dakar, Roger Kalmanovitz, la seule solution possible est la mise en place d'un pont aérien à l'aide d'avions géants pour transporter tous les véhicules directement en Libye. Si on ne peut pas sortir d'ici grâce à un pont aérien, on sera obligé d'arrêter. Vous savez, faire demi-tour, ça se prépare. Le Dakar Agadez-Dakar qui avait eu lieu il y a 3 ans, c'était un vrai Dakar et non pas un aller-retour dans les traces de l'allée avec le retour. Non, ça ne me paraît pas envisageable. On fera tout. Le pont aérien, vous savez, ça peut se gérer. C'est une question de disponibilité de gros porteurs et de coûts. Donc le coup, on fera ce qu'il faut, la disponibilité, on travaille dessus. Et bien Auriol, vous étiez le directeur de la course à ce moment-là, donc c'est vous qui avez dû prendre les décisions importantes, au moins les valider. Quoi. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Je dirais même qu'on a pris la décision, et en fait on a été deux à la prendre, puisque donc, quand j'ai compris la situation et qu'on s'est retrouvé dans une situation très tendue, forcément parce qu'on avait des émissaires envoyés par le Quai d'Orsay qui nous ont fait comprendre qu'il fallait qu'on prenne une décision. Donc il y a eu un conseil des ministres restreint à mon arrivée à Agadez, puisque je suis à Niamey en arrivant en hélico, où on m'a fait comprendre gentiment que le Niger était là pour assurer notre sécurité et que si on tenait pas compte de ça, il fallait qu'on décarpisse du pays. C'était un peu compliqué à gérer. Et donc c'est là où on a eu une discussion téléphonique avec Jean-Claude Killy, qui était à l'époque le président d'ASO. Et après avoir fait les différents scénarios, en fait, il y en avait deux. Il y en avait un qui était de faire une grosse boucle pour éviter la zone dangereuse, mais qui était compliqué logistiquement, mais qui aurait pu être jouable, mais on ne l'a pas fait. Ou la deuxième, c'est le pont aérien. Et le pont aérien, on a eu un peu de chance avec nous, c'est que les téléphones portables n'existaient pas à l'époque. Ah oui. Parce que l'information, on l'avait depuis la veille, et on a pu, en prenant la décision la veille, préparer toute la logistique du pont aérien sans que personne soit au courant. Bien sûr. Ce qui nous a permis, ce que dit un peu Roger tout à l'heure, c'est que les moyens, on les a trouvés parce qu'on a pu affréter les avions sans que personne soit au courant à des tarifs normaux et pas des tarifs où si les gens avaient su qu'on avait besoin des avions, ça aurait été injouable. Quoi. Est-ce que vous avez une autre situation comme ça, difficile à gérer parce qu'il y avait une dimension politique, une dimension géopolitique ou simplement une dimension humaine avec des pilotes? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il y en a eu plein. Vous savez, j'ai été quand même 10 ans directeur du Dakar, donc des situations, ça a été compliqué. On a eu à gérer le premier incident avec des... On appelait ça des coupeurs de route, avant de parler de terrorisme aujourd'hui. C'était en 99, où en passant en Mauritanie, en fin de journée, dans un défilé, il y a 50 concurrents qui se sont fait racketter, c'est le cas de le dire, mais racketter de tout. Donc c'est facile, hein, là, c'est vraiment comme dans un film avec les Indiens, et tout la passe. Et moi je me suis fait réveiller à 2h du matin, et le type du PC vient me chercher et me dit « viens vite, on a été attaqué ». Ouais. Je vous garantis que ça vous réveille. Hein. Le mot, attaquer. Et ouais. En fait, attaquer, bon, ils ont été. C'était pas méchant, entre guillemets. C'est, bon, ils se sont fait dépouiller de tous leurs biens, essence, porte-monnaie, etc. Donc après, il a fallu gérer la crise le lendemain, parce qu'à l'époque, c'était pas une situation qu'on connaissait. Et c'est vrai que ça a été le début des incidents. Alors, il a fallu aussi faire face aux critiques. On va écouter. Alors on va écouter une voix, mais qui va vous rappeler d'autres voix, jeunes militants, anti-Dakar, détracteurs du Dakar. Il y va, hein, vous allez entendre. Oui, ça, il y en a eu. Hein. Il y va à fond, l'écoute, on répond après. Le Paris-Dakar perturbe les activités, notamment des services publics, des services de santé. Des pistes sont détruites par le passage du Paris-Dakar. Le personnel médical ne dispose plus de l'essence nécessaire, qui est réquisitionnée 15 jours, 3 semaines avant le passage du rallye dans certains coins. Même si le rallye apporte sa propre essence, il en faut d'autres. Le Paris-Dakar a aussi perturbé l'approvisionnement en aide alimentaire. Les pistes, quelques jours après, sont en mauvais état. Les camions ont dû perdre plusieurs jours l'an dernier dans la région de Gao, au Mali, par exemple. Comment réagissent les populations africaines au passage des voitures et puis des motos? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont sur le passage du Paris-Dakar et c'est évident, c'est un événement. Mais comme nous ont dit des travailleurs immigrés de retour au Mali, même les courses de bourricots attirent du monde au Sahel. C'est un événement, les gens viennent voir. Mais vous savez qu'il y a eu plusieurs fois des accidents mortels. En 1984, une femme a été tuée. Elle n'était pas sur le passage du Paris-Dakar, elle était dans un champ à côté. Et quand on passe à 160 à l'heure au milieu d'herbe, on fait un petit écart pour doubler une moto. C'est ce qui est arrivé à un pilote et il a fauché une mère qui était dans son champ juste à côté. Ça renvoie aux paroles de la chanson de Renaud, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup de critiques autour du Dakar. Oui, mais des critiques, c'est normal qu'il y en ait, je veux dire. Mais je crois qu'il faut remettre ça dans sa dimension. 30 ans après, vous en parlez, quand vous voyez ce que le Dakar a apporté. Vous savez, vous pouvez toujours prendre un événement en exergue et lui trouver 1000 mots. Je veux dire, c'est pour tout pareil. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique. Aujourd'hui, je crois qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est de vivre une époque en Afrique qui n'existera plus, même pour les Africains, parce que à l'époque, on pouvait circuler librement en Afrique, on pouvait passer d'un pays à l'autre. Vous arriviez à Alger, vous descendiez à Gao, de Gao, vous alliez à Bamako, vous pouviez tout faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus circuler. Donc, je veux dire, cette Afrique-là que nous, on a connue, même les Africains, ils ne la connaîtront pas. Enfin, ils ne la connaîtront pas. Ça reviendra peut-être, mais dans combien de temps? Aujourd'hui, on ne parle plus du Dakar, d'accord? Mais il y a bien d'autres drames. Alors si vous remettez ça en exergue par rapport aux réactions qu'on vient d'entendre, c'est vrai que c'est dramatique un accident, mais par rapport à toutes les horreurs qu'il y a eu ces dernières années avec tous les combats, etc., je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur. Bon, toujours est-il que le Paris-Dakar ne va plus entre Paris et Dakar. Hein, puisque... Ça, c'est le cas de le dire. Puisque maintenant, c'est au désert du Chili, voilà. En Amérique du Sud, est-ce que pour vous ça a perdu de son charme parce que c'est plus la même route, ou est-ce que vous dites que quand même ça reste un rallye avec un esprit? Non, mais c'est une autre aventure. C'est le Dakar, ça reste, il s'appelle toujours le Dakar. Il a lieu en Amérique du Sud, c'est une course. Il y a des concurrents. Enfin, faut pas tirer un trait du jour au lendemain. L'ambiance n'est pas la même parce que le continent africain fait que. Le continent africain crée une ambiance particulière. Bon, et ça, vous trouvez ça qu'en Afrique? Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une course qui s'appelle le China Grand Rally, qui a lieu en Chine. L'ambiance qui est en Chine, c'est pas l'ambiance de l'Afrique. Et c'est certainement pas l'ambiance de l'Amérique du Sud. C'est pas pareil. C'est normal. Et c'est très bien comme ça. Bien. Alors, on part du passé, on arrive au passé récent, et nous voilà au présent. Mais Hubert Auriol, toujours passionné de rallye, vous organisez des rallyes. Alors, il y a la route de la soie. Tiens, parlez-moi un peu de ce rallye-là. Combien de kilomètres et à quel moment de l'année? Relativement rapidement, parce qu'il nous reste 3 minutes. Bah, écoutez, c'est un nouveau rallye raid qui existe maintenant depuis 2 ans. Donc, ce sera la 3e année. La course part le 30 août de Xi'an, en Chine, qui est finie à Dunang. C'est une course qui va faire environ 5000 kilomètres, 12 étapes. Un rallye raid classique, quoi, auto-moto-camion. Alors la grande nouveauté cette année, c'est que Peugeot a décidé d'y participer. Donc on va avoir des concurrents européens qui viennent pour la première fois, parce que jusqu'à présent, on n'avait que des Chinois. Mais les Chinois ont la volonté d'en faire un événement majeur. Donc je suis très fier et très sensible au fait qu'ils m'aient demandé de m'en occuper. Et pour moi, c'est une... Vous savez, on avait tendance à m'appeler un petit peu l'Africain. Alors maintenant, on est en train de m'appeler le Chinois, parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça de travailler en Chine. C'est pas que c'est simple. C'est une autre façon d'appréhender les choses, la mentalité, la culture, la façon de travailler. Mais en fait, on devient très sage travailler en Chine, très très zen. Et pourquoi la Chine justement? Parce que la topologie du terrain s'y prête, la route de la soie. Alors la topologie s'y prête, ça c'est sûr. D'abord, la première chose, c'est qu'ils sont venus me chercher en me disant, écoutez, est-ce que vous connaissez le Dakar? Ben je dis un petit peu. Bon, ben est-ce que ça vous intéresserait d'organiser une course? Ben je dis voilà. Est-ce que vous connaissez le Dakar? Un petit peu. Ben voyons. Un petit peu. Et puis je leur ai dit, ouais, on peut faire quelque chose. Donc j'ai fait un tour avec eux. J'ai vu le terrain. Et c'est fantastique, je veux dire, l'avantage, c'est que on fait une comparaison par exemple avec l'Afrique, ben on fait 6000 km, mais on est toujours dans le même pays, on parle toujours la même langue. Ouais. Alors qu'en Afrique, le problème, c'est peut-être passer tous les 500 ou 1000 km, vous changez de pays, vous changez de langue, vous changez de culture, vous changez d'administration. Donc là, il y a des choses qui sont plus simples, il y en a d'autres qui sont plus compliquées, mais globalement, c'est un pays fantastique. Et puis, on connaît la Chine peuplée, la Chine des rizières, etc. Mais il y a toute une Chine désertique. Il n'y a pas un désert, il y a 7 déserts en Chine. Alors, il y a de la place, c'est pas un problème. Et les autorités chinoises jouent bien le jeu, c'est quelque chose qui leur plaît bien, qui les arrange. Très emballés, non seulement ça, mais c'est en plus CCTV qui est l'équivalent de la télévision sportive chinoise. Donc, vous voyez le bassin, un milliard de personnes. Et partenaires de l'organisation. Donc ils sont vraiment, ils y croient, et ils y croient sur le long terme. Parce qu'il faut le relais médiatique, forcément. Ah ben oui, obligé. Si vous ne parlez pas d'une course, ça n'intéresse personne. Ouais, et surtout parce qu'on l'a bien vu avec le Dakar, à quel point la dimension médiatique était importante. Ben, vous parliez de mon accident, quand je vous parlais tout à l'heure, c'est l'exemple type. Bon, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure, là, hors antenne, autre chose encore? Non. Alors ça, c'est un dernier projet, parce que, vous savez, on est des amoureux de la nature, la course, c'est bien, mais secondes, hein. L'intérêt, c'est le Dakar d'après-demain. Et le Dakar d'après-demain, ce sera un tour du monde sans énergie fossile en 2017. Ça y est, c'est... Ça va être acté. Ça va être acté. Ouais. Bien, merci. On en reparlera au mois de juin. En tout cas, merci pour la primeur de l'information donnée à l'émission Affaires Sensibles, Hubert Auriol. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'histoire du Paris-Dakar, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à un autre aventurier sur les mers, celui-là, Éric Tabarly.